Tout à fait, très gentleman. Et le samedi matin, ils nous ont fait visiter Rio. Le midi, on était invités. Avec le groupe ou... Non, pas avec le groupe. Le midi, ils nous ont invités à déjeuner au restaurant, un truc typiquement brésilien. Après, on était à l'avant-première du documentaire 666. Ouais. Et après le soir, on était au concert. Tout ça en VIP, super bien et les tout. Les méga vedettes. Et le dimanche après, on est parti à Sao Paulo dans l'avion du groupe, hein, piloté par Bruce Dickinson. Lui-même, en personne. Et c'était vraiment sympa, ça aussi. Après, à Sao Paulo, c'était complètement dingue, quoi. On était escortés par la police militaire entre l'aéroport, l'hôtel... L'hôtel, la salle de concert et le retour à l'hôtel. Et après ce concert-là, on s'est retrouvés tous au bar de l'hôtel avec tout le groupe. Parce qu'ils étaient en day off le lendemain. Et du coup... C'était la fête. C'était la fête. C'était clairement la fête. Et c'était assez marrant parce que j'avais été un peu malade dans l'avion. Okay. Et du coup... Est-ce que tu faisais la fête dans l'avion, peut-être? Non, j'avais fait la fête la veille. Ok, c'est ça. Et du coup, les turbulences, elle arrivait à Sao Paulo, c'était un peu mal passé. Et c'était assez marrant parce que du coup, il y a tous les membres du groupe, ils ont fait « Ah, c'est toi qui as failli être malade dans l'avion! Tu veux dire que Bruce Dickinson n'est pas un bon pilote et tout ?» J'étais là « Ouh, mince !» Oh, je suis dans le trouble. Ouais, voilà. Et puis, bon, ça, c'était rigolo. J'étais avec trois autres personnes. On a passé bien 2 heures à parler en tête-à-tête avec Bruce Dickinson, qui nous a raconté à peu près toute sa vie. Super sympa, vraiment, c'était vraiment génial, quoi. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être photographe? Il faut beaucoup de volonté, je pense, et avoir beaucoup de contacts. Après, un bon photographe, bien motivé, il peut y arriver. Et toi, tu as beaucoup de contacts? Pas spécialement beaucoup de contacts, mais le peu que j'ai sont les contacts importants. Ok, c'est les plus solides. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Et en plus, avec le temps, j'ai les attachés de presse, elles sont devenues des amis pour certains, donc c'est assez facile d'avoir des accréditations. Ce week-end, j'étais au Main Square, il y a une des l'attachée de presse de Casabian. Elle a sélectionné 3 photographes parce qu'elle nous connaît très bien. Elle nous a dit voilà, Casabian pour l'Australie, ils ont besoin de photos promo, de live. Donc faites des photos de tout le groupe, envoyez-les moi et voilà. Oh, okay. Et on était 3 à qui elle l'a dit, donc c'était super sympa de sa part. On te rémunère lorsque les photos sont choisies, on te rémunère pas si c'est pas choisi. Ouais, voilà, exactement. Okay. Après, là, pour les photos de Casabian, c'est pas payé. Mais bon, l'attaché de presse m'invite à dîner, donc l'un dans l'autre. C'est un deal assez sympathique. C'est un bon procédé, quoi, parce que l'attaché de presse était vraiment désolé. Parce qu'au début, ça devait être rémunéré. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des photographes... qui malheureusement ont donné leurs photos gratuitement, donc du coup la maison disque elle avait aucune raison de réclamer de nous payer, quoi. Mais ça, c'est pas de la faute de la maison disque, c'est de la faute des photographes qui cassent le marché et qui pour 30 secondes de gloire donnent leurs photos gratuitement. Ouais. Et ça, c'est, malheureusement, c'est de plus c'est en plus dérange. Ouais, c'est ce qui me dérange le plus, et c'est de plus en plus fréquent malheureusement aussi. Et je sais que j'ai déjà engueulé pas mal de jeunes photographes qui commencent dans la photo de concert et je les vois mettre leurs photos sur Flickr, les envoyer aux maisons de production de concert et tout. Et moi je sais que j'ai pas de scrupules à les engueuler. Donc j'ai une grande gueule, autant que ça serve. Ah ben ouais, c'est ça. Est-ce que le travail avec les artistes, tu vois ça à long terme, ou si tu veux te consacrer à d'autres sortes de photos? On ne peut pas faire toute une carrière basée que sur la photographie de concerts ou de musiciens. Donc moi, en fait, depuis 2007, j'ai commencé à me diversifier. Donc j'ai fait des photos de news, d'actualité. De politiciens. C'était en pleine campagne des municipales en France. Donc, à quelle année? En 2008. Ok. Donc j'ai suivi toute la campagne de Bertrand Delanoë. Bon, plus... Ça t'emmerde pas, ça? Ah non, ça m'emmerde pas du tout. Même j'ai adoré faire ça. Donc, Est-ce que les politiciens sont moins sauvages, sont moins difficiles d'approche que les chanteurs? Beaucoup moins sauvages. Au contraire, parce que s'ils ne sont pas médiatisés, ils ne sont pas élus. Ouais, il faut être vu. Il faut être vu. Faire des sourires, des poignées de main, tout ça, quoi. Ça fait partie de leur job. Le musicien, il s'en fout, quoi. Il va dire, ouais, il va monter sur scène, il va saluer ses fans, mais il n'a pas besoin d'aller dans la foule et de serrer des mains. Ouais. Donc, le politicien est vachement plus ouvert pour ça, donc... Alors, tu préfères la politique? Ouais, j'aime bien les deux, mais la politique, c'est super intéressant parce que j'ai fait pas mal de conférences de presse de ministres et... Entre ce qui se dit en conférence de presse et ce qui est retranscrit après par les journalistes à la télé ou dans les journaux, t'as pas tout à fait la même version. Parce qu'ils peuvent pas tout raconter ce qui s'est dit. Et du coup, c'est... Ils choisissent bien ce qu'ils veulent dire. Ouais, voilà. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que... De voir la tricherie, hein. Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ça. De voir la tricherie, les discours de langue de bois. Donc, c'était... Mais tu sais très bien... En lisant un texte que le journaliste est pour celui-ci et pas pour celui-là. Donc, le parti pris est là. Bien sûr, ne serait-ce de savoir dans quel journal c'est publié, parce que, à part Le Monde, qui n'a pas vraiment de couleur politique, on sait très bien que le Figaro c'est de droite, que Libé c'est de gauche, que le Nouvel Obs c'est plutôt à gauche, que le Point c'est complètement de droite. Tout le monde le sait, selon quel est le journaliste, on sait très bien de quel point de vue il se place. Et toi, tu t'orientes un peu moins dans les prochaines années vers la photo artistique et plus vers la politique? Non, je vais continuer les deux. Continuer à faire les deux. Tant que Rock'n'Folk existe, je reste. Mais Rock'n'Folk, es-tu à contrat ou au contraire? Non, je suis pigiste pour Rock'n'Folk. Bon, ça équivaut à un CDI en accord tacite. Mais non, mais j'ai pas signé de contrat. Alors donc, c'est du jour au lendemain, ils peuvent te remercier? Oui. Et toi, comment tu prends ça? L'insécurité? On peut jamais savoir, mais bon, je pense que Rock'n'Folk, depuis le temps que je travaille pour eux, ils vont pas me remercier comme ça du jour au lendemain, ou alors... Parce que tu as fait des belles photos. Oui, je pense qu'ils ont toujours été assez satisfaits, je pense. Et puis, s'il y avait vraiment un gros problème, ils me le diraient de toute façon. Donc, Et as-tu un lien direct avec la revue, avec Rock'n'Folk? À chaque fois que tu fais une photo, est-ce que tu sens si ça plaît ou ça plaît pas? Non. OK. Je le sais quand c'est publié. Après, des fois, si c'est pas publié, c'est pas parce que les photos étaient mauvaises, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place dans le magazine. Et de toute façon, quand ils sont vraiment pas contents, ils le disent. Est-ce que le magazine et ce qu'on retrouve sur Internet, et la même chose? Pas du tout. Okay, alors il y a des photos qui pourraient être sur Internet, mais qui ne seront pas dans le magazine, c'est ça? Ouais, mais en même temps, Rock'n'Folk n'a pas de site web, vraiment. Ils en ont un, mais il n'y a que le sommaire et les chroniques de disques dessus. OK, donc, en fait, c'est juste une copie promo pour acheter la revue. Exactement. Donc, après, c'est moi qui mets mes photos sur mon site et voilà. Et quand tu travailles pour Rock'n'Folk, est-ce que la photo est à Rock'n'Folk ou si tu peux la placer, toi, dans ton folio? Ah non, je peux. Elle m'appartient toujours. OK, tu as les droits. Oui. Exclusifs. Oui. Et Rock'n'Folk n'est que... un journal qui publie ta photo. Voilà, exactement. Alors, tu peux vendre à 3-4 personnes? Pas en même temps, mais disons que quand je fais un concert pour Rock'n'Folk, ils ont l'exclusivité des photos en premier. une fois que c'est paru, je redistribue mes photos en agence de presse et je peux les revendre à d'autres magazines. Okay. Bon, après, je cache pas non plus que ça m'est arrivé qu'il y ait d'autres magazines qui m'aient contacté pour avoir des photos que j'avais faites pour Rock and Folk, que ça paraissait en même temps. Donc, dans ces cas-là, tu prends un pseudo et voilà. Mais c'est la même photo? Non, pas la même photo. Ok, non, okay. Non, non. Tu rends le même concert, mais pas la même photo. Oui, oui, non, okay. Faut pas exagérer non plus. Ouais, mais quoi. C'est ça, là, ok. Non, non, je donne jamais la même photo quand c'est le même concert et que c'est publié en même temps. Ok, je comprends. Ok, alors faut pas que tu te mêles dans tes distributions de photos. Non. Ok. Est-ce que le fait d'être vu à Rock'n'Roll, le fait de toi, une photographe qui est vue et qui est demandée un peu partout? Non. Non? Non. C'est quoi? C'est Rock'n'Folk, c'est Rock'n'Folk. Et toi, tu travailles pour tes photos à toi et non pas pour être... Parce que très souvent, quand on prend des photos, c'est pour être diffusé partout, hein? C'est pour oui, être... bien sûr, mais... Disons que Rock'n'Folk, oui, ça apporte une certaine notoriété, mais de là... Sur ton CV, surtout. Sur le CV, oui. Mais après, de là à être reconnu et appelé du monde par le monde entier, non. Quoi. Non, le monde entier, non. Non, peut-être non. Le monde français. Après, oui, mais pas plus que ça. Après, par le bouche à oreille et des collègues sympas, j'ai été publié deux fois dans le NMI. Parce qu'ils avaient besoin d'un photographe à Paris, qu'ils en ont appelé un, que lui fait pas des photos de concert, fait plus des portraits, donc il a donné mon numéro de téléphone, et ça c'était super sympa de sa part. Mais est-ce que tu fais des photos aussi d'artistes, exemple là, on s'en va sur un album, on va prendre un gros nom là, Johnny Hallyday, ok? Ouais. Un photographe va avec le journaliste durant qu'il y a une rencontre avec Johnny Hallyday. Est-ce que ça arrive souvent? Ouais, ça arrive. Et ouais. Toi, en fais-tu? Ça m'arrive. Ok. Quand. Ouais, si, je suis déjà allée aux interviews avec le journaliste. Le journaliste fait son interview et après, moi, j'ai 10 minutes, un quart d'heure pour faire les portraits. Et est-ce qu'il voilà, reste quoi. Assis ou s'il peut bouger? Non, ils peuvent bouger. C'est moi qui fais la mise en scène. Après, ça dépend des groupes parce que il y a des groupes qui sont. Il y a des groupes qui sont assez autistes et pas du tout ouverts aux propositions. Donc, ça a les photos banales, ils vont poser comme ça, ouais. Hop. Et puis voilà. Et puis après, il y en a d'autres avec qui ça se passe super bien. Et ils font ce qu'on leur demande. Alors donc, ils sont assez à l'écoute puisque c'est leur ouais. métier. Et puis, ils veulent vendre des disques. Donc ils ouais, voilà quoi. Le but, c'est de vendre des disques. Hein. Oui, oui. Et toi, tu gardes ça en archive ou si tu proposes ça continuellement à des maisons, à des webzines? Non, je les garde en archive. Elles sont distribuées par une agence de presse. Et si tu entends parler de quelqu'un, que quelqu'un cherche une photo, ben là, ouais, tu vas... Ouais, voilà, exactement. Okay. Est-ce que c'est tes contacts qui vont dire? Ben là, écoute, moi, je sais que tu étais au spectacle de XY, puis là, on cherche une photo de XY si tu veux leur envoyer. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Ok, ah, ben c'est bien. Hey, j'ai 10 questions de la fin. Oui. Tu peux soit y réfléchir, soit être. D'être direct, alors tu ouais. fais comme tu veux. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide... Est-ce que tu les as entendus? T'étais-tu assez loin tantôt? Non, j'ai pas entendu, non. Si tu étais un liquide... Ouais, je pense que je serais de la vodka. Pourquoi? Parce que c'est l'alcool que je préfère. OK. L'alcool, je veux dire, la vodka, est-ce que... As-tu une préférence? Non. N'importe quelle vodka. Ouais, c'est de la vodka, on y va. C'est de la vodka, de l'absolute ou de la Zubrov. Oh, ok. Si tu étais une ville. Une ville, je pense que je serais Paris. Paris ou New York. Pourquoi? Bah, parce que Paris, c'est la ville où je vis et j'aime vraiment bien. Et New York. New York, parce que c'est une ville qui s'arrête jamais de vivre. Mais Paris non plus, hein? Oui, non, mais. Moins ça vit moins longtemps que New York. New York, il y a vraiment le métro qui fonctionne 24 ah ouais, heures sur ouais. 24. C'est vraiment à fond tout le temps. C'est vrai. Et voilà. As-tu déjà visité New York? Oui. Plusieurs fois? Deux fois. Pour des photos? Non, en vacances. Ok. Et tu prenais un petit peu des photos? Oui. Ok. Et t'as ramené ça avec toi? Et... Ouais, voilà. Si tu étais une langue? Une langue? L'anglais. Pourquoi? C'est une langue internationale. Le français n'est pas une langue internationale? Plus trop. Plus trop, malheureusement. Donc, mais tu parles français, anglais? Ouais. Français, anglais. Français, anglais. Un petit peu espagnol, quoi. En m'y remettant, je parlerai mieux espagnol, mais voilà quoi. Si tu étais une époque? Une époque, j'aurais bien voulu vivre dans les années 1970. Ah, que... Janis Joplin? Ouais, Hendrix, les Doors, Morrison, tout ça. Étais-tu là il y a trois jours pour le 40e? Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. J'étais en déplacement au festival d'Arras au Main Square. Okay. Ouais, je dis ça parce qu'en fait, c'est une période où, quand les photographes que je connais, qui étaient déjà photographes à cette époque, il suffisait d'arriver avec son appareil photo pour rentrer dans les loges, pour faire des photos comme on voulait. Ils étaient vraiment les rois du pétrole et rien que pour ça, j'aurais bien vécu dans les années 70. C'était libre cours ouais, voilà, à la création. Ouais. Si tu étais un mot? Un mot? Photographie? Iconicité, image? Oui, voilà. Si tu étais un aliment? Un aliment? Alors... Je pense que je serais soit du fromage de chèvre, soit du chocolat. C'est un peu mes deux aliments préférés. Alors tu manges un fromage de chèvre? Mais pas en même temps, okay, pas en même temps. Avec une petite bouteille de vodka? Non? Ouais, voilà. Non, fromage de chèvre plutôt avec du vin rouge quand même. Oh ok, ben oui. Si tu étais une saison? Une saison, je sais pas, soit l'hiver, soit l'été. L'hiver au Québec, peut-être? Ah, j'y suis jamais allée. Non, mais un jour ça peut-être. À moins 40. Non, mais j'aime bien l'hiver, je vais faire du ski, puis j'aime bien l'été, il fait beau, c'est tranquille. Oui, c'est puis les gens sont souriants. L'été, ouais, les voilà. Gens sont en vacances. Ouais, aussi. Est-ce que tu prends des vacances aussi? Oui. Est-ce que c'est en dehors des festivals, donc quand c'est plus tranquille? Pas forcément, non. Si tu étais un membre corporel? Un membre corporel? Je sais pas, une main. Pour cliquer? Ouais, voilà. Ouais, pour le flash, ouais. Si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée, plutôt le soir. Je suis assez noctambule. Ok, 21h, 22h. Ouais, voilà. Ça commence, ça commence. Ouais, exactement. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? J'en ai aucune idée sur ce coup-là. Je sais pas. Soit je serais un grand photographe reconnu mondialement. Qui? Je sais pas. Qui n'est pas encore inventé, là, un photographe comme ça, ouais, imaginaire. Je dirais... Comme ça? Jean-Baptiste Mondino, voilà. Quoi. Et qu'est-ce que ça prend pour être rendu là, quoi, selon toi? Comment? Qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? À ce zénith-là? J'en ai aucune idée, franchement, je sais pas. La chance, les contacts, enfin, l'avenir le dira un jour, peut-être. Et ou sinon, je sais pas, je crois que j'aurais bien aimé je sais pas, Patti Smith ou une icône de ce genre. La punk. Ouais, t'as voilà. T'as un petit côté punk. Ouais, complètement, ouais. Nos futurs? Ah si, quand même! Léger. Si on se réveille le lendemain, on est bon pour une autre journée. Ouais, voilà, exactement. Comment tu prononces ton nom? Marianne, ça va, mais ton nom? Ruznevski. C'est russe? Polonais. Ah, vodka, peut-être. Ouais, voilà. Ah, ça passe. Ok, c'est ça. T'as été nourri au biberon avec... À la vodka, ok. Ah, bien, merci d'être passé à mon émission. Mais de rien, c'est... Et... Oui, vas-y. Ça passe quand à la radio? Alors? Et je te le dirai tout à l'heure, mais quelle vedette aimerais-tu prendre en photo? Alors, j'aurais aimé photographier Michael Jackson, mais il est parti avant, ouais, malheureusement. Ben ouais. Et sinon, de vivant, là, maintenant, juste pour le fun, j'aimerais bien quand même un jour photographier Johnny Hallyday. Mais vraiment pour le fun. Mais tu l'écoutes pas? Non, j'écoute pas, non. Non. Heureusement, tu vas pouvoir passer à mon émission. Ah, l'honneur est sauf. Merci, Marianne. Merci à toi. On se reparle à un autre moment donné. Ok, ça marche. Bye bye.